Comme stupeur stupéfaite. There's a waste of stupidity in the air, rancid and all. Le cadavre du papillon exhibé au monde relevait la tête pour brûler le soleil des yeux. Et se calait en direction de la lasure qui enchaîne au poteau. Alors voilà, l'interdiction du plateau éphémère est abolie, l'ombre est installée, l'insectoïde a commencé. Over the shadow, islands of night. L'homme, la femme, la voiture, l'enfant, c'est la merde. Comme sanctuaire sur sa planète, c'est la merde. Jusqu'à un point, la merde naît de nous et de rien d'autre. Sur un flanc tout moisi, il se trouve que la bizarrerie sur l'état de merde, c'est nous. Et le pince, et le temps, et le creux, la merde, aussi. Au lieu de cette acadie, l'économie neutre, pour le fric. Et l'arrogance d'une passion oblitérante. Les rats sont les sept, la calotte, et les princes, et les temps, et les cons, et la merde, aussi. Elle est de cette Acadie, l'écanimité neutre pour le fric. Initiative of an individual, le chef, et va pour le fric, plutôt que crever comme une merde, oui. La merde, vivons la merde, soyons la merde, pour pouvoir enfin ce point de vue-là de la façonnance, la fascination et dans la désagrégence, même que cet avenir-là est bon, comme un bonbon qui pue le caca. Cette merde-là, c'est nous, comme un vieil être puant, amèrement, son existence, la fausseté d'une complaisance dans le mouvement, cette amertume bonne, despues son fondement à nos jours. Gives a fuck, really. D'un point de vue purement scabreux, la tergiversation. Toujours elle ne dénonce pas l'aboutissement le long du tunnel. De concert, les âmes survoltées sont prises en main, en charge, par des concepts familiers comme ceux des autres, ainsi, alors comme d'équivoque, les possibilités ne dépassent ce point. Pourtant, il est un temps où toujours le monde règne. Comme un roi et une reine fonctionnent, le passage en changement. Et comme ce ne puise la fonderie que dans un anus doré, comme qui dirait, au four de la possession matérielle, analogiquement aux contendances des rivales, factions de nazis nauséabonds sur une île sphéroïde, des oublis momentanés figurant toujours le point crépusculaire. quand je reviens en charge extrême de rivalités putréfactionnantes, les parias, comme les nantis, obsessionnent, et si les fières capitulations ne sont pas vaines, que sont-elles? Car n'oublions pas le propos, le sujet du verbe, le par, qui, quoi, comment, etc. Pourtant, la semblance, ne réside point en la finalisante, finalisation, sauf dans le hante d'un présent participant le long du couloir de la mort. L'aurore des cadavres et la moisissure plurielle ne permettant toujours pas la densification atmosphérique. L'être humain n'a d'autre choix que de mourir. Et la fin est-elle? De la thune qui symbolise la guerre. Et tout en demeurant. Bonsoir, c'est Nuisance 92.2 FM, Canal Sud. L'humain. Bienvenue. L'humain. Tant mieux. Puisque l'humain mourra tué. Convulsion spontanée. Cyclique. Tout en tue. Pas raté le rendez-vous. La berne d'un pistole. Et l'imberne de brûlant. C'est là pour vous présenter une œuvre. Pour le fric, tuer. Tuer soi, le sacrifice automatique. La mère le cycle demain ou pas. Grandeur. L'ambulance de la présence occupe la place. Grandeur d'âme, de beauté d'âme. Discipline, sagesse, la loque, meurs en tout à tout, mourir la merde, voilà, merde, on absourait, pas. Alors que les autres émissions de toute la Terre entière ne présentent que de la foutaise. Encore en travers, tant que ce soit clair, tendance, seul, sur un banc, fait apparaître la vérité devant les âmes bonnes et pas connes, quoi, comme les autres juristes. Vérité? Tous, et toutes, et du seul, y compris bien sûr. Non, on peut se demander pour qui est Nuisance. Tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir tel le choix fait son mensonge de chaumure. On va attendre des appels. Toi, vous n'êtes pas non plus exorcisme résidera. Pourtant, le bleu ne pas voir confrontationné. Paranoïa omniprésente que la volonté obstrue. Mince. Pas à pas, un être né faste, non, ce vampire, suce un sang impur, d'impur. Voir l'impureté de nos êtres, à nous. Des façons de sorcières, attablées d'affliction. Gigantisme non fonctionnel, impossibilité conditionnelle, l'absurde des raisons, petitesse une, un passage de tabac à niveau. Les antres absurdes, patrouillantes, déraisonnantes, vers un sûr destin. Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, Nuisance, l'émission de toute la Nuisance, l'émission qui nous sent, c'est là, oui. Bien, là, le 28 octobre 2011, donc le vendredi 28 octobre 2011, je répète. À éliminer comme les légalistes, éliminer. Allô, Coca, Tango, Charlie, magnifique. Tu m'entends? Posé sur une chatoyante ombre spatiale. Oui. Les voûtes, une structure, un relent fatidique. Celui-là. Les mensongères, l'émancipée régulatoire, la détente, voulue. Que plus de sanctions permissives de réaction. Réaction d'oubli de sale race. Parlant de sang, j'ai entendu quelqu'un qui est mort. Mauvaise au bas mot. Tendance dans le jeu de réticence. La table se mettant en quatre esprits, séparer, dissocier les flocons. Alors qu'un autre soi, on devrait dire moi, pointe un bout de nez. Donc les interventions en temps restantes. On va y passer. Sur le maintien en bonne et due forme. L'inconvénient étant qu'une autrefois passée, un hiatus et yati. Comme de l'autre, le nocturne prend fin. Tel un bébé, la merde croît vers l'ultime merde, celle d'une humanité suffisamment merde, suffisamment morte d'avance, écrouée dans le cercle du confort visqueux et vicieusement normativiste. Visons le pur, et nous l'un, pur échec que cette vue-là, comme les choses d'un autre monde, celui de l'échec humain, le total et crédule anéantissement. Création d'une nature trop comprise, le pouvoir ample permet la puissance d'être et d'avoir la puissance de la pensée unique, chimique, pour toujours, sur un semblant, posé, un cul. Quand on parle bien de cul de seul, cul de porc, cul du trou, on nous chiffre, priant à jamais devenir absconce, on s'entête à changer pour paraître mieux que hier. Bien demain, oui, pas demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui, je veux dire. Ne se dire jamais pour ne jamais dire à quiconque, tout en étant toujours l'absurde comme le cohérent. Toujours. Et que personne ne l'accepte, ou seulement par ultimité. Alors crevons les abcès, sont tous crevés justement eux. Alors fonçons droit comme des lignes en avant, à l'autre ciel, fumé dans la tête. Répite en avant. Grand chier. Pas pire qu'un merdique être humain. Pas pire qu'un merdique être humain. La gueule de mes autres. Je suis sur la gueule de mes autres. Car la possibilité, hélas, enfin, de compte. Les comptes sont faits. Les jeux sont toujours dimensionnement annulissés. That's what it's about. The horror believable, for true, comme and being for. So it's to say, noise is forward, so go it. True what I say, oh yes, but they all believe what they say, so be it. Death, annihilation of feathers, plucked off. Croule sur le fardeau de la vie de merde. It does not seem, though rancid ever after, si mourir va la vie, la vie va vers mourir, et la mort est toujours lasse. L'âge de la vie, la vie n'est pas l'âge de la mort. En sens logique, pour toujours, le fameux continuité. La vie veut mourir. Avec soi ou l'autre, c'est la même merde. La vie va mourir, donc elle veut mourir. Indication et possibilité ne coïncide plus. N'est-ce pas ? En point de rupture, mais en point de bascule, abandonné, jamais coïncide, jamais. La vie toujours, qu'elle toujours, veut ouais, mourir. C'est ça. La maladie, la mort, l'horreur, la merde, enfin c'est mourir. Alors, toutes les bonnes choses, c'est mon sur nom. La paix. Le travers est d'autre de la civilisation. Ainsi va la vie. Se révèle la vérité humaine. Elle se meurt sur le. L'anti-humanisme comme solution privilégiée, comme échapper de la vie humaine. Autant dire de merde ou à chier. De la destruction de ce faux espoir, solitude, dans la face. Respiration, pensée, c'est la possibilité. L'onde de lumière. Car le tout n'est rien, une procédé, subalterne au rien. Anti-rien et rien. Greffé, osmose en parallèle. Comme d'avant en arrière. Les globes polyglottes, crumbs, that's what deserves humanity, crumbs, of its own shit, cruelty being salvation, salvifique, excusez-moi ça en dehors de la vie, enfin, to do them despite this fight, no sense of humor, as if we are in this moment, despite the fact to apply this, true, as if skepticism, fail, true, that deserves to happen, and the next step, truth is in your face, is in my face, it's everywhere but in our faces. Cause the truth doesn't exist, death exists. Death is real. Death is reality. Reality is death. We want death to be real. We want to die to be real. We want to be real to die. We want to be to die. We want to real to die. Realize to die, to die. C'est donc une histoire de beauté, de pouvoir avoir toujours son habitude, nuisance par la fratrie qui souhaiterait peut-être en finir avec la haine et peut-être aussi So here goes. C'est une forçade. Et la boutade n'entraînait pas le pain. Qu'il est. C'est la façon dont on s'exprime. De prime abord. Puis que le moteur en jeu moins évident. Le moment se dissout en bulles pétillantes et non aériennes. Comme tu, toi, absous. Circa. ADB ici. Someone can always will be in the same shit where that's how it is. So be it. The shit. Glory to it. The shit. I want to eat and die my shit. Fuck the shit itself out of me. Sacrificial terms, contractual helpings, mindless imaginations, or are there elsewhere habitations of another meaning? The other being us to you, plural, and they all them shit heaps of all the these humanities. Shit heap to us. Shit heap to I mean. Shit heap to me, humanity. Me. And so be it. The fucking is over. The blocks take their place. Anxiety falls. An ashtray of hold up on God. And all the others serve something. I'll sub something. That's what I think. Fuck. Être démence. Pour une femme présentable, sans réponse. La discontinuité de l'impermanence, les rapports addiction à l'existence. C'est une émission en direct, bien sûr, on est 3-4 dans la pièce en train de chanter, de danser aussi. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net, il est 9h22. Que dire ? Et troublant le désespoir. Voilà, c'est ça. Oui, ça c'est mon pote, je te présente. Pote là-bas, là, tu as vu, prépasse les points non finaux, bien qu'ils ne soient inespoir ou non. Les insectes reptiliens fusionnent, prenant ainsi les uns des autres. Les expériences collectives. Pour le dépassement, ou plutôt le trépassement des autres espèces. Je vous rappelle que ceci est une émission qui nuit au sens. Ça risque d'être un peu vulgaire et d'être cru, surtout cru par vous, donc ne croyez pas. C'est bon, c'est pouvoir vous en tirer comme ça. Ça ne va pas être possible ce soir. Entendu car inentendable, comme file d'attente. Je dirais même que Bitchat Q ne pourra pas ce soir. Admirer les intempérances comme une solution. Non. Suggestif. Ça c'est sûr, à part peut-être les potentialités envisageables. Trace d'humanité en soi. Commencer par soi, sacrifier l'être non-néant. So let's not forget the fucking disdain of the pain. The pain, more tired, the shame. Bon d'accord, tu me mets ou tu me mets pas ? Vas-y, mets-moi. As I was saying, opposing is not for strangers, or strangers still the strange. The happy being on a mountain, seeing both sides of it, such as possibilities eliminated by foreclosure, disclosing vivid, accurate information. As I was saying, the possibilities are so on. I saw the big guy. So. Les tards des ensembles réactionnels se sont sur le point. La passion de l'agir en tant que. Fuck them all, was I saying? I was saying, fuck them all, man. Machine. Fuck us. It's like this, you know, you gotta understand. There's no other possibility. We're all gonna die. We're all gonna die. Get that? Get that? We're all gonna die. It's a dying hell, man. Yeah. It's a dying hell. In verbal transitional verge A, B, C, and etc. What I mean is, the thought patterns are shaping humanity and freedom from the best of known to humanity's and beings the way I feel the same one is transitional patterns from outer space, whereas I feel communication is only one, ethics and rummaging, fouillant l'être humanité one and only, la préciosité comme infériorité, pas de transition. La destruction de l'azur, des agrégations, des enchantements, des espoirs. Alors que les noyaux demeurent sur le tas, les observateurs, soldats de l'or, les guns sont mis en main par le subtil. Pénibilité d'appartenance à l'ensemble reposant sur l'angle. Pierre d'achoppement de l'industrie impersonnelle en tant que prise de bec, prise en main, prise de parole tout en cas. Les sandwicheries, les badges, the badgers. And badgers are fucked in the ass. The horizons are horrid, like riding off an adventure. The end is high and nigh. Near to us, next to me, les horribles transpirances molles ne suffisent plus à voir. So when I dream of shit heaping. That's that. Like all my breath, yeah, I am shit heaping, man. That's for sure. Go tell him. Go tell him it's the shit heaping. It's about the shit heaping. Le temps comme le tergiversa se lance, comme un bleu pourri par le gris puant, comme un verre séché sur une terre aride. As I was saying, comme tout dérisoire, les stéréotypes ne suffisent plus, alors que le bonheur est absent. La justesse triste, le climat favorable à l'odoriférence. Ouais, c'est ça, l'odoriférence. So the sweetness are languidly placing the vapors out. And as I was saying, everything has gone to pots a while back. That's for sure. The boxes are shaping in shades of grey in horrible rooms, padded with stringy entrails of putrefying this and non-assassination. That's what it is. C'est ce que c'est l'horreur langueur, la passionnance d'un azur bleuté en travers de la face de rat pourri crevé que nous sommes fiers d'être. Humanité, je me hais. Humanity, I hate me. Yeah, baby, yeah, cool, cool, that's cool. Pour se permettre grandement l'azur ne font qu'étaler l'obnubilance à l'égard de A, de la haine, là un savoir commun et collectif de l'autre, l'étalage pourtant si enragé, ne pouvant pas permettre lui, un, comme sur le rouge sang. Pourtant, c'est un seul que je car ta gueule, bordel de merde, ta gueule, celui de moment. When we die, we go to heaven. L'évidence, un adéquat pour un si à l'autre échelonné, étalonné, savoir, à chaque fois. Faire, surtout ne pas péter des ponts, ne pas en avoir. Whatever's gonna happen, it's gonna happen to me. Who gives a shit anyway? I don't care. I don't care. Do you? You give a shit, I don't give a shit, who cares anyway, we're all gonna happen, we're all gonna die, we're all gonna be the same fucking shit we are. Yeah, we're all gonna die, yeah, and why should I observe what I'm happening? Yeah, we deserve to die. What I do is happening. Deserve the fucking shit from happening in the faces, yeah. Especially us, why we're the really crappy ones in myself, that stupid planet. Why the fuck? Who gives a shit anyway? We're all gonna ride in hell. So let's all run in hell happily. Ever after, pourtant longueur sur un tas de pourtant de foi, d'une volonté lâchée comme elle, si son c'est ce araignée basse voulu, pourtant si digne, bleuté, qu'échelonné, permet toujours de choisir un à dix, cette fois, l'heure, toi, cette en or, auto, elle remporte azur en avant, succès ville, azur, créationnel, suggestivement sur ce que je vois là, que là. là, hors là, souci de l'azur, un rayon d'étalage, pourtant que l'on voit cette houle, toujours penchante comme cette com' en retour sur soi. Reloiseau sur un tas appareil sur ce déploiement, la permise anticipation d'un spéculatif là, un permettant du monde le merde. Pain is existing. Sur le tas. And being is verbe. Pain. Marcher. So what I wanna do is dine on toujours. Alors que le alors. I know it's unjust. Pas. Unjust. C'est mis toujours droit et objet de soi. De l'extrême, tant des lignes ainsi ramenées même du transi, toire, sel et sillon, inerme, ciel, à soi-même. Même que tout ignoré, nel, ne se tergiverse, laissant toujours azur pourri de l'intérieur, s'évader. Why should we care anyway? La volonté est volontairement voulue, intentionnellement, donc parvienne à l'accessibilité d'un rang anti-non-révolution action. Mais bien plutôt contre le pouvoir anti-proclamation lasse de la permissivité. L'âme languit des soins pour recevoir les anticipatoires vérités que ne permettent pas l'azur. Donc, espérance myrime avec souciance toujours incidence de l'absolue dénégation. Je blote, je viroplote, vraiment sinatoire. Accent dans everywhere. Comme j'antise du verbe humanité, dont je fais partie, que je antise du verbe antiser comme anti-humanité, volonté de combattre ce que vous m'appelez notre humanité n'est autre que votre et non mienne inhumanité. Alors j'antise tous ces fatras pour les vrais et vrais, pour ainsi dire, jamais le frôlement d'idées environnant, encerclant les démons intérieurs, sans remettre à leur sévice, alors que cet être de chair et de sang ne les emploie pas. Il ne fait que se brûler là, d'intermentiellement à ciel, d'intermentiellement à ciel, il y a un grand pas qu'il fait là. Alors, gentil, je nomme cet être qui absoute bien la turpitude, pantouflardise, destruction de l'âme, blessure, lente à détruire, mais si impatente, les flottements se distrayant. Aussi un son, la permission n'est nulle part qu'en soit pour l'appréciation du perceptif phénoménal, l'azur, alors que les avalés monuments sont en rotant, les temps s'enfuient bien plus tard, les gerbés par le trou de balle, les prénoms de meurent aussi de la mort qui les tue, les avalés monuments sont en rotant, les temps s'enfuient bien plus tard, les gerbés par le trou de balle. So wondrous and sure that the flakes in his head derailed where the valley of the trees gone down the jungle's life but realize and instinctively les avalés moulins, tout en rotant, et ensuite bien plus tard les gerbés par le trou de balle. Ce prénom Anus mistakenly forgiven or an axe in the heads all of the bears, tout en rotant, et ensuite bien plus tard les gerbés par le trou de balle. It's unwanting and needing voluntarily pinching feathers out the wing. Paranoia hiding in there between. Bien plus tard, les gerbés par le trou de balle. Safety unsure. Doubtingly and smiling and tranquil, inquisitory towards the now nor the never, the screen in the dreams everywhere lies, I must not forget the goal lies within, no, what have I done? Sure, not that I care, I torpede, sweltering basement, cemeteries, languidity, thought patterns, submerge. temps où l'émission était intéressante. Et maintenant, c'est de la merde, quoi. Encore 10 heures, je peux toujours rien dire, hein, selon la loi française de merde. Enfin, enculé, quoi. Ouais. Ouais. Comme un dysfonctionnement. Ce qui se passe. Dice roll mistakenly for given or not in the heads and all of these godforsaken cult. As for me and safe, truth lies, it realizes its unwanting, unneeding, voluntarily pinching the feathers off the wing. Paranoia hiding in there between. Safety unsure, doubtingly unsmiling, untranquil, inquisitory. Towards the now, nor the never, the screaming in the dreams, everywhere lies, I must not forget, the goal lies within, no, what, no, what, ha, no, what, no, no, what, no, what have I done, unsure, not that I care, I torpede, sweltering the cement, cemetery is. In languidity, thought patterns submerge. Language past representation of rational thought. Reason is transparency overfields the eye. Hearing solves the problem. A spatial situation, consciousness by resolving perceived by not. And that very moment is sublime, sublimation. Mais, c'est maintenant le mais. Pourtant, l'horreur reste, elle demeure en nous, humains. Elle loge en nous. L'horreur, c'est nous. Et c'est de nous que nous l'avons. Tant mieux, nous le méritons. Bien fait pour notre gueule. Bien, c'est comme ça. Et si, et c'est ainsi, on est à chier. La passion de libération des ratures que nous sommes nous a commencé. Elle débute en des vagues volantes. Les larmes. Ces larmes ne sont pas cibles. Elles ne sont pas pressées de couler. Elles coulent en brillant la noirceur de l'âme. Brillantine de l'âme. Les larmes ouvrent sur la compassion sempiternelle. L'éternité vaut la chandelle. L'éternité de la langueur, la torpeur, l'insensible débilité ou et la sensible divination. Toujours la même chose, c'est tout et toujours la même chose, réglant ses comptes avec soi, l'humanité tout entière, pourrie, dans ses flatulences puantes et du chien. La sale race humaine mérite tous les maux qui l'accablent. Elle les mérite comme je mérite la mort. Nous méritons la souffrance, d'avant la mort aussi. Bien la faisance de la trucidence, mais pas l'azur de la réussite. Succès, gloire à la non-humaine, inhumanité. C'est dit, crevons en paix, brute. Dans nos sales gueules de métèques, dans nos sales gueules de macaques, de camées, de grosses merdes, toujours dans nos tronches, nous prenons le temps de se faire le foutre, comme une abeille mange le pollen et vomit le miel. Même chose en pire que tout, c'est sûr. Rien n'est moins sûr que la victoire humaine. Rien n'est moins sûr. Quelle bande de merde. Quelle bande de cons. La sacro-sainte réalité humaine est à chier. Les humains méritent la mort en souffrance. Souffrez, sale con et conne. Go fuck yourselves, fuck faces. Die in horrid hell and pain. Oh, rambuck jackets. covering your filthy cum in plastic. Horrible creatures, us. The disgust is everywhere. It's there and rots in itself. It languidly, suavely, placidly sits there and is the us of impassion. Hate, revenge. I hate it all. Revenge of my own messed up state of matter. Matter of fact, it seems strange to me. I mean, how many me's can there be? Like it's so distasteful. Distasteful, I languish, language, non-attainment, non-fulfillment of this form. Death I smell. It's all over me. It tickles. The vaporous tickles of the shape's skin. Fields of rotting flesh. Already dead, I mean. It's been all over for so long. Les humains craignent, nous, les humains craignons la mort et la conscience de celle-ci. Alors quoi? Pourquoi? Quoi? Je veux dire, c'est tout emballé, c'est pesé comme un pesticide, comme un insecticide, l'insectoïde anti-insecticide, apparition par mutagène, le membre. Nombreux, les apprentissages se faisant par l'envers de l'accélération. Toute tentative subtile, ou non du contraire, est futile. Comme l'été brûlant et l'hiver gelant, le figé du froid, le pesant du chaud. Le piquant du dard, la brûlure de l'encre, les refuges, les interpossessions, plutôt l'imprimant, l'insecte en cage pour rien. La brûlure, l'insecte, le parfum invisible de l'île, d'un, identification, soi-disant, confusément, pratiquement pragmatico-judiciaire. Circumstantial, descending of condescension. Fuck it. Comme dans le foutre du dieu raison. Pas le dieu doué de raison, ni le dieu raisonnablement de la raison, non, mais plutôt celui ou celle raison, limpide. Obtusément, délirement, tentante, les raisons n'obscurcissent pas. La perverse blessure de l'âme. Merde, non silencieusement ma gueule, putain, c'est pas trop tôt. Nos gueules, merde de merde, chiottes. Ainsi, les possibilités émancipation dans l'acte. Déraisonne raisonnablement pour ne mettre en permissive réaction que les boulons qui fonctionnent le raisonnable. Pourtant, les autres, aveugles le reste du temps, c'est soi qui le fait qui ose oser le bonbon, moite. Pourtant, si décrépit de l'azur passé bleuté et les odeurs pestilentielles refluent chaque putain de jour, alors que faire que qui l'a fait de maintenant? Alors ne pourquoi pas le trucider là? Alors que la foule en liesse crache en bénissant l'iloité, le protracteur de l'iloité, le protracteur de fond en comble. On t'en comble, pour les envahir de leur relent. Les possibilités sont infinies de maintenant à pendant merde. Les possibilités sont infinies de maintenant à pendant merde. Les possibilités sont infinies de maintenant à pendant merde. Les possibilités sont infinies de maintenant à pendant merde. infini de maintenant attendant merde, et pour toujours de ce temps la folie subsistante. Pour maintenant, à qui ne pas le voir, pas mal, les insectes grouillent dans le désert, des lasures radioactives, et ce mal est mis en patience pendant que le temps coule. Pourquoi ? Pour qui ? Pour toutes ces gens qui emprisonnent l'élan de vie comme moi je passe mon temps à emprisonner mon air à moi de respiration de ma vie à moi. Ce que je veux dire, c'est ça. Grince, mais je prends mon pied. Rien, y'a plus rien de bon. On est à l'ouest, mieux pas plus. La recette de la psychopathologie, et en plus je la pratique, complet à l'ouest, complet foncé, complet déchiqueté, complet bouffé du ciboulot, genre total de chez total de morné, et pourrissant dans les bras des parents. Souvenez-vous de ce truc mort qui pue le sang et la merde, et voyez ce que vous avez fait. C'est ridicule l'esprit, et ça fout sa merde, ça chie, c'est à chier, ça dope la piste de chat, le gras, c'est comme ça qu'on devient végétalien, après avoir vu une telle horreur. On bouffe plus que de la salade. Ridicule, quoique c'est vrai. J'en ai rien à foutre, ça m'est jamais arrivé, donc je m'en tape. Je pâtis de ma connerie, je sais, mais et alors ? Rien à battre, c'est ce que tout le monde en a. Non, c'est pas vrai, genre les témoins de Jéhovah ou les personnes spirituelles en ont soi-disant à foutre. Mais en vérité, elles s'en tapent. Ou elles sont connes, genre se traumatiser encore plus qu'on ne l'est déjà. Allez vous faire foutre, putain de chapeau fort intérieur. Allez vous faire niquer. Tout ce temps je me fais, sous pourquoi faire, veulent pas de se toucher, parce que c'est une merde, à chier, j'espère seulement vous la faire chier, il faut autant avec la merde que vous vous faites chier, autant que vous me faites chier, bordel, puisque je vous encule, gros fou de merde, tout ce connard, tout ce sperme dégueu, t'avales en suçant les bites de tous ces patrons à deux, que j'ai senti de merde, j'ai senti de mort, je vais reconnaître ça. Et vous, c'est pas la même chose, battre de la vie, c'est la chose du bonheur, finalement le bonheur des autres, c'est un bébé, si cher, cher, cher, son de pareil, il aura pour se prendre la tête, que les mères de chien, c'est la même chose, les femmes, c'est des suppositoires, ça tente, c'est foutu du cul, et après une fille, c'est tout le bal, ça pue, ça fait chier, ça mérite de crever comme suppositoire, c'est haché, c'est chier, ça chie, d'ailleurs c'est foutu du cul, ça agit que sur les paroles des chiottes, puis lorsqu'il fuit le cul de merde, d'abord, on se l'enfant dans le cul, et ensuite ça fait un truc, on le chie le cul, ou les visages, les vite, ou vis avec des vis, un coup de bite au cul. Que les cul de merde, c'est cool, ça sert pas à couper. Pendant ce moment, je me suis dit, je suis plus, ou chier, je suis pas ça tend de merde, que j'encule, et que je m'emmerde la bite, plein de foutre, et de merde dégueulasse. La bite, elle dit que les suppositoires, c'est le cul qui bave, les viscères. Et pendant ce temps-là, je lâche tout le cul, le sa merde. Je m'encule, le cul du cul, je fais les suppositoires dans le cul, c'est très fort de mon âme, je t'encule, ça tend de merde, les suppositoires qui coulent comme les flammes de sperme qui s'enfoncent dans le cul, comme un trou du cul, avec un suppositoire qui colle, qui chante du réel. Avec un rictus navrant de merde, qui pue du cul, la bite, sa femme de suppositoire de pape mort, que je bouffe avec mayonnaise, en moi qui pue la merde. Je quand même, ça se fait, c'est puis qui cherche à convaincre, pas moi en tout cas, j'ai déjà vaincu, c'était con, j'ai vaincu, c'est bon tu peux t'arrêter, c'est, les chiens, un petit peu pour la route, la route défile, et je vais voir, je vais voir, direction animale, on revient finalement le pays, le prout, les poubelles pas fraîches les poubelles, parce que Kratos, genre, bonne fille, bonne fille, parce que tu l'avais moi, dernier, je me souviens encore depuis tu pues, t'es une ordure, t'ordonne les ordres machinales, c'est une ordure, j'en parle des chiens, sous kick. Jean Adolf, alcoolique, à cause de l'alcool qu'il a dans la poche, et qu'il suit venir, comme il a un petit défoncé. Tu m'as amené ici, et tu disparais, t'as pu encore de ce pays, tasse, brûlant, relou de la tasse. Le dernier truc cool, qui finit par coller à la peau, qui étiquette, et qui peut-être encore un mec de main, qui saoule, ça reste abject, abjection. J'ai un gros sein dans le ciel, qui finit dans un bac à vide, un bac à vide. J'ai pas le bac, bac à l'orage, bac à fichier, je l'ai pas. J'ai pas le bac, ça me fait pas chier, le bac c'est chiant. J'ai pas avoir le bac, je l'ai pas. Le bac, ça fait pas chier. J'ai pas avoir le bac, finalement j'ai pas le bac, parce que le bac ça fait chier. Le bac c'était du pénis, on se fait la sang. Oui plutôt. Le bac quand on l'a, on se fait chier. Je sais pas, on se fait pas chier. C'est un soulève pénis le bac. C'est un étui à sein. Les saints hommes, ils ont pas le bac. Les saintes femmes, ils ont pas le bac. Le bac, c'est pour les dévoyer. Le bac ça fait chier parce que c'est pour les dévoyer dans les pervers. Les pervers, ils aiment le bac. Ils ressentent le bac. On se dévoie, ils veulent dévoyer. Pas comme voyelle, on sonne, mais plutôt comme le dévergondé. Le bac, c'est sur le mec. Je me dévergonde. Je me cache, j'ai le bac. Je me dévoile et j'ai pas le bac. Le bac, c'est pour les cacher, cacher. C'est comme ça, ça sert à rien. Ça fait chier. Avec le bac, on se fait chier. Sans le bac, on se fait pas chier. Le bac, le jaloux, ceux qui ont le bac. Quand je sais que c'est les morts vivants, les vampires, les gens, ils apprennent à avoir le bac pour bouffer le sarou géant et mort, et ça illustre. Comme Shakespeare, je connais avoir Nietzsche, Diogène, Weinstein. Eux ils ont le bac, ils sont comme ça, j'ai le bac, j'ai mis le bien, mais s'il n'y a pas le bac. Et tous les autres, ça j'ai le bac, parce qu'ils ont le bac, le bac séché, parce que ça autorise les cons à péter plus haut que leur propre, bien grand, chercher des merdes, j'ai connu, qui servent à rien, même pire, elles font chier, c'est un peu, empêche de respirer, elles ont de l'inspiration, elles mettent des dégâts, plus haut que leur propre, non, en fait c'est pas bien, ce que je dis, parce que le bac c'est pour les vides, le bac c'est pour ça, c'est pour les vides, ça veut rien, ça fait chier le bac, parce que ça coupe les gens, ceux avec des sous-sens, l'étage, plus haut que le cul. qu'on repose. Car en fait, Le bidon, dans une fonte, enchaîner la table d'ordures, hors œuvre, hors famille, sur des milliards de choses qui surabondent de bêtises stupides. Il faut y aller, il faut y aller, C'est en cela que je chie sur ma précieuse humanité, anti-humanisme s'il en est un. Tuons-nous tous les uns les autres. Torturons-nous les tous et toutes pour que nous apprenions que ce n'est pas en étant qu'on est. L'on est en crevant. Alors crevons-nous, les abcès purulents qui puent, c'est nous. Alors plutôt que de chasser l'or, quel qu'il soit, et de tuer nous à petit feu, tuons-nous carrément, directement, et malheureusement, il y aura des survivants. Pourquoi se torturer les uns les autres? Tuons-nous carrément, cash et vite. On souffre assez de notre connerie. En plus, on pue la merde que l'on est, oui. C'est vrai, la merde humaine, c'est nous, pas de quoi être fier. Moi, je te le dis, c'est la merde, c'est pourquoi tous les tuer, c'est merde, et ceux qu'ils méritent, c'est merde, les enculés de merde, ces bâtards doivent crever. L'abcès qu'ils sont, ces grosses saletés vicieuses, l'horrible n'en puant pas. Alors voici, la langueur non obstruant le péché de merde, voilà, je le dis. C'est fait et d'avance. L'encourement de la massacre et rivalité sur non-obstruance, toujours tuons-les, tous et toutes, et chacun, chacune de nos côtés. Il faut les absoudre, ces enculés, de la merde, ignorance, en tas de chiottes pourries, ces fientes de guano moisi, méritent la corde de pieux enchaînés qu'ils sont. À la valeur des choses de merde, appréciées pour leur valeur de merde, alors toujours non obstruante. L'oralité dépasse de bien des ardues sottises, les mensongères tribulatives élucubrations de la redondante confiance en le non-espoir en termes d'inespoir, les obscurités ne flétrissant pas le discursif en tant qu'obstruction de la. Fouillis clameur, de pauvres gens bon animés en alinéa en travers. Partout, les obstructions non momentanées de l'azur sont enclines à détourner la façonnance de vers la morbide solutionnance de toute cette éternelle, l'éternelle obstruction momentanée, à étirer le souci tension de stress pour éviter la mort. Mourir l'espèce, seule voie vraie, puisqu'elle n'arrive pas à mourir, et non là. Crève sa charogne pourrie de morbides conditions. Imbécile état que fusionne la simultanéité discordante avec la condition, justement étalée de merde. Non, la spectrale obsession ne négationne pas. Elle libère de l'inclinaison à traverser pas à pas. De travers, les obnubilances ne clarifient pas. Toujours permettre de travers à cette merde de venir s'installer pour mieux les choisir et les éliminer, ces bâtards d'espèces à maudire. Confusion tragique, le miel réservé à l'absurde, la non-qualifiée remarque ne transfigure pas la transparence T en terre de cloisonnement infinitif à ne pas conjuguer. Les verbes transitionnels à faire figure devant de la merde qui vaut la chandelle, la morbidité de la réaction en travers de gorge oblitérée par de fumée noire, trop que l'on en vaille la peine, mourir la mort de ces êtres si chers à éteindre la merde à crever, tous et toutes, comment la réponse est studiamment créée en porcherie, batterie, caisses à sardines, crever l'abcès, seule solution possible, car enfin dite, elle ne demeure plus à redire. La terminologie perturbe la phrase en possible. Intransigeance, l'obnubilant, sacrificiel, viol de l'âme, par la chair, est à trancher de toutes pièces pour les exhiber scabreusement et sans finesse. Ces bêtes, immondes et humaines, se perpétuent comme la pétence d'un pétard dans la tête qui vise à se nuire à soi, dans sa propre tête. Bien fait, non. Zavez qu'à pas après tout. Non, mais faut pas exagérer. Bordel de merde, chiotte. Voilà la race humaine, c'est un chiotte où se déversent des cubes et des cubes de merde. C'est la sale race, les enculeurs et enculeuses de bouche. Elles, eux, même que l'on puisse en soi pour trouver une réponse à la traque. La farde, no more powder in the cannon. Écodé, fuck me, please. No way, fuck up. De la forme vivante. Je vois où être ainsi, faite de fûts de chêne et de paille. Fais-tu attention à ce que tu écris? Non. Alors, et voilà, et tout, ça tue, tu es mourir. Je te suis, tu es là avec moi pour toujours. Je te vois là-bas, parce que t'es pas ici, je t'encule. Or, quand on encule un cul plein de merde, on a la vie pleine de merde, va chier. Je t'encule à sec avec du gravier, parce que t'es loin de moi. Je te gerbe, je te spolie, de scories, oriolé, olé. Quand tu regardes de travers la mer, qu'on voit chier, sa demeure pleine de pus et des glandes. Oui, l'on peut le dire. I got what I got, what you got not. And I remember quite the way to satiété, the way to épater, the way to shit. I fuck it, en profondeur. Je baise la baise qui lève. Encore que le pied, je le prends dans la bouche louche. Je touche la merde avec la main, sans gants, alors que je suis là de la lassitude, même que je m'endors en pinçant la tête avec une tenaille Jean Reto. Et toi là-bas, je te vois. Tout ce que je vois, c'est toi. Qui me fait chier, c'est moi. Alors que d'un côté et de l'autre, le bordel retourne. C'est alors que vaut la lecture de la bande, du tas de bandés. Arcs qui sont entraînés à tuer, la puissance couverte de pustules. Pendant la cuvée fantastique, va te faire niquer. Fuck them, but face it. They're all gone away. I never noticed how tiring. Tire sur la corde et vautrer dans la fange humaine, une existence atrophiée par la subsistance. The possibility arises that it's just a shameful scam. So where else to find out the answer to this sudden and inappropriate question? Question yourself, stupid fucks. Won't they all lead to a lead-ridden existence? But if you don't weigh yourself down, it's entirely fucked. T'es dans un tas de merde pourrite, sale con sale, je ne vois toujours pas. Note du rédacteur, vocal improvisation, time expands from the inside, it goes away. I do. I remember a remnant of an old tragedy like drama. Dramaturge plutôt rature pâle sur un objet cylindrique, contendant vers un cieux plus horizontal que l'effet, néfaste, involontaire, non voulu comme indésirable, espèce de rature oblitérée par un contrôleur zélé. Control offhand with a little finger on two and the biggie handing off a 25. I suck big goddamn dick up me bum like an anal plug of a shitload of heaps of cold lead-like methane expansion. Sur un vase empli d'hémoglobine, la bobinette se fait doucereuse en cette transbahutation insensément comme con, comme manche, à con, de comme balai hier. Te bile pas, tu te fais cheveux gras comme un veau gras à l'âme du tréfonds d'une description passée comme jeu. Eye of an eye, shitload of a Vaseline pressing. La presse presse le pas de l'antre. Deux fois que je vois l'antre de dépasser l'entendement de mon jeu. Ne vois-tu pas, fils de merde, ne vois-tu pas, sale chiotte qui crève un abcès d'excès garanti par dissolution de la soluce. So let's be the ones to twos or threes, family tree, tricote-moi un zob, connard. Je te vaux, sale merde, c'est tellement tu pues du cul et tout et tout. Je vois où est l'obsession, après moi, après toi, la méthode est ainsi passée. Je suis la voix, connard, ass bitch and motherfucker, sale nique. Je suis la vie de merde, belle comme elle est, belle, je vois la beauté de ton œil sacrifiée à toi, sale merde. Les vapeurs m'obsèdent, de jour en jour, je traverse l'ombragé traversé, diurne ou obsidienne. Je capte plus rien. I don't quite. It's quite troublesome. Whereas, if you don't know, ils sont en peu de froid. La froidure se dissout. Chiure. Whereas the cold one, the one with two, three wings, when the two, three rings ring, that's when I know. What I know is what I fuck me to, although ce ne peut être un P ou deux fois deux plus trois font trois. Chose en commun que je vois briller dans le jardin des bois, comme fraise des bois, comme déblatéré, les âneries font pied. Je vois la voix qui rature le long d'un canal assombri par les lanternes de gaz implosant à côté des barrières lourdes. I take the brain within the brain to suffer quietly down to earth, is ridden of an owl, and an old geezer is about to lie straight down on the ground and fart ass up in the air. Je suis pourtant le modèle opérandus et tout et tout. Et voilà, je vois que partout réside l'exponentiel désir de s'assouvir. Malgré cela, se parvient à écrire une progression mentale. Divine rature, cet escalier escarpé, féminine de polémique, un verbe à la clé. La tergiversante solution appelle le problème. Pris dans un engrenage, l'écrasement se fait sentir mal lubrifié. Et pourtant, pendant ce temps, la terre tourne ses rondeurs fruitées. Mais voilà, ainsi, c'est ainsi que l'on fait, encore et encore, et puis je soupire de plaisir en te touchant. Je susurre des mots dits de maudites ascensions, plutôt excavations de grottes anciennes, et puis plus rien, nada, que dalle, zilch, nicht, fuck. I should more often, but likewise, the more often reduces a risk, linked to the passionate story of an old fuckface that's full of it, and spitting against the wind a glorious thingamajig of an old blanket-like coverful expansive like elastic. Shit. I've lost the interest in it. I don't know what to say. It's full of such passionate glory. I'm about to belch, and retching is my male maiden name, cause be the cause to... I've never found an answer to the reading rhythm book of closures like closet doors banging and twisted witches screaming. I see them dying in a heap of majestic pillar-like soap. Heap of a machine like they got machines in heaven. And they, I the sorts of these memory sequences to avoid. Noël équilibré par l'enivrante saison de fleurs malgré soi, pourri. Le sexe de travers et d'autres, il se trouve que je vis dans un puits profond. La profondeur fine d'une béate expansion. À la pédalité de par le jouet, et enfin, arrivé le temps de cerise, c'est ainsi que le militantisme reprenait même, comme si le client, de part et d'autre de l'entreprise. Je suis pris de toutes parts. Va plutôt faire attention de ne pas récompenser. Merde. Mais voilà qu'il y a une façon de faire, plus directe que celle-ci. D'autre part, je ne vois qu'autre chose de mal, fait pourtant bien tenté. Je ne vois toujours pas d'issue au problème de l'écritoire, de part et d'autre du rempart qui borde la route. Je ne vois toujours pas l'ivresse des profondeurs et les vallées merveilleuses de Namor, ce mort. Je ne vois toujours pas pourquoi faire un record, récompense d'une immense ingratitude ingratifiante, viande de rat désert, guano pourrite. Je ressens la chose affreuse de l'avarice. Et c'est ainsi que le bordel de merde, assis sur le trou du cul déformé et sanguinolent de mon trouble, je suis la parole divine brandée en verge d'or. En d'autres termes, moi, je suis la cohorte de légion qui vit dans le sous-sol d'une cave morte. The human one, c'est un evolved and changingly the same. To all the other creatures on the planet, kill them, I mean them now. While we still can, let's rid ourselves of their monstrous faces, filled with cum and pus. Because it's been a while since we swallowed it whole. The ship of our not so petty but discredited existence. I mean, being mean will help the barbarians, savages, and other bipedestrianizing patronizers stay. They say, stay with us, say, all the strange monstrous, and all the while, the human fratry, brother sisterhood, lunges down past the flower pots and crash in an unending propeller moving forward line. Même s'il n'y a pas grand espoir, unending. Sauf que crashed, rien sur une face, egg skull squirts, it's invisible, the yet so real juices in the soil. Rotten flesh. Our lives have been soiled by each other's soil. And I, no way. Soilness, should I say? No, should I say? Yes, I should and do. Disgust, or rage, or hate, or such are inappropriate, approximative qualificatives, as in identifications of the nature of the Earth's problem, which is man, humanity. And its down-to-earth meaning is so. A problem to its leaders. The people have all taken refuge in themselves, maddened by the social pressure. We linger on scraping the sidewalk of our void ways with what's left over of our fingernails, bloodied in the gushing of the heartbeat pressure inside veins and arteries. As if we had a chance in hell. There's no point in searching in hell. It's all lost to itself. Detainable goal remaining to be as always revulses every now and then because of responsibilities and squirmings. I wonder, as marveling the dishonest, travelers on and on the bound road, that of a present living and existing without us. Such vile and miserable creatures, humans, relish of causes that never end, the betraying darkness of their unattained minds. Potential essence, peculiarly potentialities. They die, unhappily, sadly, fearing if their freedom lasts. They are in race, not knowing what's good for them, themselves. Not that we believe in our egos, quite the contrary, in fact. We revel in your scum-filled water energy of life ridden. They've gotten rid of themselves, survival of life instincts, and will go on to die. Not knowing death, does it mean that death ignores life away? Quite a conscious part of death's head, that is the last. What a fucked up story, demon of hell, how ironic. Shit, I mean, that's a story, it's the end of it. And should it island the pains, instantaneous. I know what I'm saying, goddamn it, it sucks, goddamn. I fuck you in the ass and tremble. I tremble with joy, hateful joy. No way out of here. I've gotta go. I gotta know where I'm going. Be I happy or be I dead, I will crush my bones to make my bread. So fuck you. Que ce qui est cela, y compris ombre au tableau, élimination totale et subséquente, conséquentielle, de l'humaine mère, tous les éliminés, tous les tués, ces âmes innocentes, les crevés, ces absences, les brûlés dans leur être, leur choix imposé et nombré, chiffré. Même que la vie ne tient qu'à un fil dentaire infecté, qui infecte à son tour la gencive et la dent à son tour, neutralisant le venin du sanguinolent, choc corrosif, l'horreur, terrifiant, devenu pourtant à son actif, tous les dents, les stupides de merde, shit, I fuck myself all the time for fun. Funny ain't fuck me. Shit, fuck face. I hid an eye up my ass. Damn it, I see the way out of here. Fuck it, you, them, me, and us. La conséquence, sinon, pour le puissant et nul, elle, cette et conséquence, dans incohérence, nommable fin, signifiante de l'éternel, inéternité. Pourquoi le faire? Pour bonheur et simplement éliminer le chemin. Seulement, ainsi se fait des lucettes, encore une unité, partout, maison, azur, bleuté, simiesque, de notre tête, ce qui importe, c'est la voie, celle au tracé, c'est là, justement, l'union, la merde, la cible, détruire, annihiler, excréter, sécréter, jusqu'à en crever l'absence, c'est de la merde, merde, oui. Alors qu'avez-vous ciblé aujourd'hui? La terreur obnubilant d'un cadavérique élan tué, les douteuses opérations de l'un jusqu'à zéro, puis rien, comment ça fait? Mal, tant mieux, oui, crever les abcès furonculeux. du territoire, abject, la condescendance, le mépris, oui, à mort. And that's when the old of odds, the strange, they glimpse a glimpse of organic mush through the head and all spurting with muck. The mind altered through destruction choice, undone like an androidic organism though. They wander like dead people. They rub-a-dub-dub all the time, thinking, dead, I wish them all, dead as ink. Méritoire de l'adverse territoire sur un terrain dantesque. Péché mignon, tous et toutes, tuez, les tuez. Crevez leurs yeux avec des pioches, une dans chaque orbite trouée. Et puis les ramener sur la berge pour les catapulter dans leur fange. Les brûler sur le tas de limon d'une verrière enfiévreusement enragée. La descenteur où je vois la tombe tomber, en araignée, se profiler, à noyer le descendant. Les âmes latentes, la attendantes, sur une piste de ski sur sable. Hors de ça, et trouve la voie bien uniforme à les trois patins se roulent, la chose dont je suis, sinon, les tuer, que dalle, zilch, pour nada. Pan, quick, moi, je vois la solution complète, beurre, de moi, aïe, à mort, de fond, la séquence d'un coup les crever comme des abscons. Qu'ils soient abscons ou pas, les crever, pour mieux finir ce qui est commencé, l'éternel territoire. The rampage is on. I've never seen kill them. Of piranhas, all of them. Bucket, I've never been eating by we a will fish. Find a way. Damn it. There. It'll always be the we one will find a way. Piranhas. They damn deserve it, their death, myself, vile creatures. I've never seen what I we mean, deserve to die. What I mean, we deserve what I mean, it. Yes. Fuck it. Kill. Kill. Kill. Je ne perçois pas la destroy. Entre beauté et vulgarité. There's only one meaning to the signature. Mais à présent, the rot, pas un sens, decay, ni une façon and other remnants je suis must il a pas expugnate de it. Damn things, il let them die. Et une tombe que stupidity, ne perçoit pas la vérité, as best humanities, most of it. Peut-être est-ce la vie qui m'obsède, damn those things. We hope to have ended the question soon. The answer to it all, in death, the lady death, it is nearer, good, I do wish it were there for us already, the insects, kill us, the insect formed, shitholes of things, vile stinky creatures, and we'll all die forever alone, together alone, as it was said, you'll die alone. Midnight, Friday the 16th of September 2011, Nunzio Pulardo. I see, so I pass past the present, not to rupture, but to forgotten, laid out, see, future sufferings. Insectoid. I lay down my weaponry to sleep, and I've been sleeping, so goddamn, long, and seems like it is awake to itself, which is why. Ce n'est clair que soumis à la règle si droite de la clarté, ce n'est rien ou plutôt est-ce. Ne rentre pas dans une ou plusieurs polémiques. Ce qui m'amène ici, une polémique. Je ne discute pas des choses ni des êtres, mais d'un autre fond. Je forme la séquence qui initialise l'avenir dans un chaos régulé, ou plutôt réglé, ou plutôt régi par cette volonté si pénible. J'aperçois le motif et ne souhaiterai pas verbaliser l'incompréhensible pour laisser en suspens des observations dans le but de respirer encore et encore, car I'm gasping for air, which is a mixture of gases. I got this eerie feeling. The goal is set on the first step taken. I grasp the road, back with my knowledge. But of course, the interruption of sound. I worship sound in its cruel forms. Je me vois mourir en l'avenir, bien balancé, ça. Je suis beau, si je suis, je me tape le cul, je me rabourrai à l'air, jambes, fesses, à l'air. Je connais pas, vite de le voir, ainsi. Je suis un peu plus de temps. Je suis Thank you. Ah! c'était Nuisance, donc l'émission du bonheur sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, la radio du bonheur. Tout est beau, tout est magnifique, la beauté est enfin de ce monde. Comme je me plais souvent à le dire d'ailleurs, et à vous le répéter incessamment. La beauté donc est de ce monde et le monde est beau. Si beau, oh oui, si beau. Oh, mais je vois que à l'horloge bite chez Atacu, il est bientôt l'heure de la fin de l'émission Nuisance qui vous a apporté tant de bonheur, j'espère, tant de joie, ineffable joie, ô grande suavité que ta félicité est là, toi. Joie, bonheur, bonne fortune à tous et toutes, prospérez. Plein de fric, ce qu'on veut c'est du fric, du flouze, du pèse, du blé. Aussi des femmes, de l'alcool, quoi d'autre? Je ne sais pas, rien d'autre, ça suffit. Des femmes et de l'alcool, et également du blé, beaucoup de flouze. Du blé ça suffira, en fait, pour le reste, vraiment du fric. Je veux plein de fric, malheureusement, de merde, qui pue, quoi, la merde, plus le fric, ça. Donc le bonheur toujours si près du but. Nous sommes toujours si près du but. Nous sommes presque. Putain, c'est vraiment un bordel monstre cette émission. On comprend rien, on peut pas parler tranquille. On peut rien se dire. Chérie, je t'aime. Tu sais que je t'aime tellement. Oh oui, je t'aime tellement, chérie à moi. Chérie. Oh, je vous aime tellement, mon public. Je m'aime tellement, oui, moi. Oh, l'amour est si beau aujourd'hui. Il fait beau l'amour. Oh, oui, l'amour. Oh, l'amour. En fin de la musique, j'ai cherché pendant 2 heures pour vous de la musique, je suis tombé que sur du bruit sur mon disque dur pourri. Putain, quelle merde. Je suis vraiment désolé, je vais rester avec vous encore 1h30 de plus, peut-être pour on aura peut-être 10 minutes de musique dans ce lot de merde. Écoutez donc cette belle musique du tréfonds de mon cul quoi. Pour vous, et oui, pour vos gueules, à vous. Et oui, merci de rien, je vous en prie. Je vous aime tellement. Si vous savez tout, moi je vous aime. Arrêtez. Faut arrêter la musique. Hein. Le mec, ce mec là, il arrête la musique, bordel de merde. Il est 11h. Je reviens un peu à la bourre, mais en signe d'exemple, fratricide, je finirai à l'heure ce soir. Vous aurez l'unique et seul privilège d'écouter, donc d'entendre plutôt, la fin de l'émission Nuisance du, je crois qu'on est le 28, c'est ça, le 28 octobre 2011, 28 octobre 2011, New Senses. Bye bye, salut, salut, salut, salut, salut.